En vrai, on se fait rouler par le chétan cousin. Tu es dans les bateaux ou dans la cella, dans le cardiaque ou bien la coca. J'ai vu les miens périr dans la misère hier. Ça y est, plus rien ne me choque dans cette vie, je navigue. Ces fils de fal, je vais le couler mon navire. Je leur fais la guerre, je ne recule jamais. T'as une balle de calibre. Et là, j'ai mon qui m'anime. Oui. Être legendary comme Tupac Akali. Tu me parles de cette bitch, tu me dis qu'elle est saine. Son amour pour toi n'est pas plus vrai que c'est ça. Je crois en Dieu, n'en parle, mais c'est mensonge. On a tous ces côtés malsains, est-ce que tu le sais? Je fais l'école de la rue, glotte dans le carton. J'ai vu des lions devenir des pauvres chiens de bâtard. Je fais l'école de la rue, glotte dans le carton. J'ai vu des lions devenir. Bloqué entre rêve et cauchemar, les avocats. C'est de l'argent, un jour on se fait la guerre. Bah oui. Bloqué entre rêve et cauchemar, les avocats. Un pied dans le dîme, un pied dans le péché. Oh mais. Pour déverser ma haine, ma paix, comme si je buvais des litres. Et tous les jours je mets des coups de schloss dans mon double diabolique. Que la chance nous sourit, juste une fois comme Mona Lisa. Vécu instable celui sur les traits de nos visages. J'ai quelques frères qui marcheraient avec moi même sur du magma. Parce que la confiance se perd et se gagne qu'une seule fois. Ça parle en clic-clic-pow dans mon squat. Pour les voting voters. Ici chacun pour soi. Même les petits followers. Y'a pas de savastano. Tu veux que je te dise la vérité, madame? Eh, c'est Raouf qui est à Poucap. On court après Dounia, l'amour nous court après. J't'ai déjà dit, c'était la junglerie. Soit t'es le prédateur ou t'es la proie facile. Oui, oui. On veut tous briller comme des étoiles dans le ciel. Mais à force de vouloir briller, certains de nous s'éteignent. On veut tous briller comme les étoiles dans le ciel. Mais à force de vouloir briller, certains de nous s'éteignent. Bloqué entre rêve et cauchemar, vida loca. Un jour on s'aime, un jour on se fait la guerre. Bah oui. Bloqué entre rêve et cauchemar, vida loca. Un pied dans le dîme, un pied dans le péché. Paumé. Bloqué entre rêve et cauchemar.